Au sommaire de sa aide du belge numéro 20, Niels Kitten ne tirait pas au français de Stein Koenig sorti ce 10 octobre et Girl de Lucas Don qui sort ce 17 octobre. Commençons par Niels Kitten, les tueurs du Brabant pour les francophones ou Ben van Nevel pour les flamands, ont tué nombre de personnes et en ont blessé bien d'autres pour un butin dérisoire. C'était entre 1982 et 85. On n'a jamais retrouvé les coupables. Depuis cette époque, les supputations vont bon train. Est-ce une bande de criminels, la gendarmerie, un complot pour déstabiliser la Belgique ou encore l'œuvre de services étrangers? On n'en sait toujours rien. Stein Koenig, le réalisateur de Dance et Sœur Sourire, s'est emparé de cette histoire. Il a construit son film à partir du point de vue des victimes, en prenant l'exemple d'un père et d'un grand-père vivant en face du Deleuze d'Alost, le lieu d'une des tueries. Cet homme, garagiste de son état et venant juste de fêter sa retraite, a perdu sa fille, son beau-fils et sa petite-fille. Son petit-fils a survécu, mais a dû subir 31 opérations, ayant reçu une balle lui fracassant la cuisse. Il a promis à ce petit-fils qu'il trouverait les coupables. Malheureusement, il est mort en 2011 sans avoir découvert la vérité. Toutefois, il a peut-être approché. Le rôle du père et grand-père est joué par Yann De Clercq, acteur très connu en Flandre avec dans sa filmographie plus d'une centaine de films et séries. Il est magnifique de vérité. On a une énorme sympathie pour cet homme éprouvé par les épreuves et qui continue malgré tous les obstacles. Une nouvelle fois, le cinéma flamand s'est emparé d'un sujet qui fâche en Belgique. C'est tant mieux parce qu'on a besoin de savoir, ne fût-ce que quelques bribes de vérité. Pour en revenir au film, il est bouleversant. J'ai eu plusieurs fois la larme à l'œil, édifiant et démontrant la capacité de la justice belge à faire éclater la vérité. Girl, c'est le premier long métrage de Lucas Donne avec Victor Polster en tête d'affiche. C'est son premier rôle au cinéma. Le film a remporté la Caméra d'Or, le prix Fif Pressi, la Queer Palm et le prix d'interprétation pour Victor Polster au dernier festival de Cannes, ainsi que d'autres prix dans plusieurs festivals. J'ai rencontré Lucas Donne et la première question que je lui ai posée, c'est d'où venait l'idée du film. À 18 ans, quand je irais juste commencer mes études cinéma, j'avais juste fait une école secondaire très catholique et ça m'a appris beaucoup de discipline. Mais d'un côté personnel, d'un côté créatif, ça m'avait bloqué aussi. Et à 18 ans, je lisais un article dans un journal belge d'une jeune fille de 15 ans qui voulait devenir danseuse étoile mais qui était assignée garçon. Et moi, ça me touchait beaucoup. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui choisissait soi-même avant la réaction autour d'elle et qui était très courageuse, très ambitieuse. Je trouvais que dans l'aréna, dans le monde de la danse, en combinaison avec quelqu'un qui a une certaine, qui a une relation complexe avec le corps, qu'il y avait aussi quelque chose de dangereux dedans. Et pour moi, je voyais immédiatement le potentiel cinématographique de faire quelque chose avec ça, de parler d'un combat internel mais d'une manière externalisée par la danse. Ah oui. Et voilà, ça m'excitait. Ensuite, je lui ai fait remarquer que son projet, il a dû attendre quelques années pour le réaliser. Oui, après j'ai fait mes études, j'ai fait des courts-métrages, j'ai appris peu à peu ce que ça veut dire faire un film, comment je veux les faire. Et voilà, en 2014, quand j'avais fini mes études cinéma, je suis immédiatement commencé l'écriture de ce film. Et 4 ans plus tard, nous sommes ici. On peut dire de Girl que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. C'est clairement le meilleur film belge de l'année et qui a également une belle reconnaissance au niveau international. La mise en scène est forte mais sobre, le scénario juste et touchant. C'est sans doute le plus beau portrait de femme qu'on ait vu depuis un bout de temps. Aussi, une belle réflexion sur l'identité et le genre. L'interprétation est formidable. Victor Polster est incroyable, c'est une véritable révélation. Un film, une histoire et un personnage qui restent longtemps dans les mémoires. À ce propos, j'ai vu le film en juin dernier et je n'ai aucun effort à faire pour m'en souvenir. Girl est tout en pudeur et sensibilité, puissant et sans concession, jamais malsain ou voyeuriste, aussi dur qu'émouvant. En un seul mot, impressionnant. À la prochaine.